Radiomatique. Hey. amorcer la transmission 5-8-6 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe japonais Films de son album At the Deep End qui est paru en 2023. Nous écoutions la pièce The Deep Sea. Audiomatique se poursuit maintenant avec la formation espagnole Exasens. Nous avions droit à Audiomatic, à la formation espagnole Exascence, de son album Le Voyage, sorti en 2022. Nous entendions dans l'ordre les pièces Le Voyage Part 1, Departure, et la pièce Le Voyage Part 2, One Step to the Moon. Et poursuivons sans attendre avec une pièce du projet Clock DVA. Thank you. Audiomatic, nous venons d'écouter le groupe Chapter House et la composition Falling Down, qui est tirée de leur premier album Whirlpool, sorti en 1991. Avant Chapter House, nous écoutions la formation Feudalis, qui nous offrait la pièce Enigma de Traición, apparaissant sur le seul album Novayas a Olvidar, paru à l'origine en 1986 en cassette, réédité en 2017 en CD. Et pour amorcer la séquence, nous avions droit à la musique du projet britannique Clock Deviée. La pièce que nous avons entendue, intitulée Relentless, se retrouve sur l'album White Souls in Black Suits, publié en 1980. C'est maintenant le projet Satronica qui prend d'assaut les ondes sonores d'Audiomatic. We'll be right back. glad to see you. We always love to see you. Take your shoes Audiomatique, cette séquence musicale se terminait sur une proposition du projet Synapscape de mettre la main sur la musique du groupe Centrozone et de la recomposer dans son style propre. Cela a amené Synapscape à créer l'album, en fait le mini-album Hands on Centrozone, duquel nous avons entendu la pièce Bigger Space. Avant cela, nous écoutions le projet Straftanz qui nous offrait sa pièce Alle Redem von Better, Boom Mord, tirée du second album Mainstream Sellout Overground paru en 2011. Et pour amorcer la séquence, nous avons entendu le projet Satronica accompagné par la vocaliste Betty Hayes pour la pièce Rise Up, exclusive à la compilation Kinetic Festival Volume 1, dont la publication a été marquée par la première édition du Festival de musique industrielle Kinetic tenu à Montréal en 2008. En conclusion de cette transmission 5-8-6 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la formation japonaise RILF de son deuxième album studio, My Beloved Farewell, qui a été lancé en 2020. Nous écouterons la pièce Count 4. La transmission 587 d'Audiomatic sera diffusée en direct mercredi prochain, 4 mars 2026, dès 17h, avant d'être rendue accessible sans contrainte spatio-temporelle dans les archives numériques d'Audiomatic, dont une des portes d'entrée principales se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici RILF avec la pièce Count 4. C'était Audiomatic avec les sonoristes.